cinétique, interaction au stade de l'absorption. On avait dit qu'il y avait quatre principaux mécanismes concernant cette interaction. En l'occurrence, l'interaction ne peut être vérifiée, validée, vraie, que si vous avez deux mécanismes, deux médicaments, pardon, qui subissent un mécanisme de transport actif. En d'autres termes, s'ils subissent d'autres mécanismes de transport, on ne peut jamais parler d'interaction. Sauf s'il y a transporteur. Et même s'il y a, je dis, transport actif, j'insiste. Si je mets transporteur, moi, vous n'avez pas le droit de répondre parce que dans transporteur, ça sous-entend aussi bien diffusion facilité que transport. Or, la diffusion facilité se fait selon un gradient de concentration, donc il ne peut pas y avoir à un certain moment, ça va s'arrêter. On est bien d'accord ? Deuxièmement, on avait dit que si on a en présence de ces médicaments, des aliments, c'est-à-dire des molécules autres que des médicaments ou des médicaments qui peuvent donner naissance à des macromolécules qu'on a appelées complexes. Un complexe est une molécule de haut poids moléculaire qui ne peut pas subir un mécanisme de résorption. Un peu plus simple. Voilà. Alors, une molécule, une macromolécule ne peut pas être résorbable. Donc, que ce soit fait à base de médicaments ou de l'aliment. On est bien d'accord sur ça? Troisièmement, on avait dit que si la membrane était lésée, d'accord, si on donne par exemple des corticoïdes ou bien on donne des anti-inflammatoires, ce sont des molécules qui altèrent la muqueuse intestinale et toute lésion de la membrane va favoriser la vitesse de résorption. Soit que maintenant, on a un problème sur le mécanisme physiologique, c'est-à-dire un péristaltisme pré-pylorique ou post-pylorique. C'est-à-dire qu'on a une vidange gastrique qui est accélérée, mais la vidange gastrique accélérée ne concerne que les molécules à caractère acide, puisque le temps de séjour va diminuer et de ce fait, le temps de contact va diminuer et la vitesse de résorption va diminuer. Parce que le médicament ne va pas rester longtemps. En passant dans la lumière intestinale, il va sillonner la aussi. Et à ce moment-là, la quantité qui va passer va diminuer. Quant au péristaltisme intestinal, donc tout dépend de la nature de la molécule, ce qu'on avait dit. Si maintenant la molécule est basique et automatiquement, quand on dit basique, sa résorption est intestinale. Si le sujet a une augmentation du péristaltisme intestinal, que ce soit par une pathologie ou la part suite à une automédication, on a une mauvaise prescription. Donc le temps de séjour diminue. Et la disponibilité sera diminuée. L'inverse est vrai pour les molécules à caractère à peine, parce qu'elle restera plus longtemps, puisqu'elle sera non humidée, donc elle sera plus d'absorption. On est bien d'accord? Oui. Ça, c'est au stade d'absorption. Maintenant, deuxièmement, au stade maintenant de la distribution, on va résoudre de la même façon, avant d'écrire, s'il vous plaît. On avait dit, pour rappel, je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'apprendre ce cours bêtement, quels sont les mécanismes qui régissent la distribution. On avait dit que la distribution se faisait dans deux compartiments. On est bien d'accord? Plasmatique et tissulaire. Bon, on va prendre donc le premier. La distribution plasmatique est conditionnée par quoi? Très bien, par une affinité. Et l'affinité est conditionnée par propriété physiologique du médicament. On est d'accord? Maintenant, sur cette base, on va raisonner. On ne peut parler d'interaction au stade de la distribution, c'est-à-dire au niveau de la distribution plasmatique. Elle ne peut être vraie que dans quel cas? Que j'ai deux molécules présentes soit avant. Libre, ça c'est sûr. Parce que la fixation ne peut qu'en se contenter. Il faudrait qu'elle se fixe, une protéine, il faudrait qu'elle soit libre. Plus exactement, il faudrait qu'elle soit à 6. À 6 ou à 6. Ça, c'est le premier critère. D'accord ? Si vous avez deux médicaments, un qui est à caractère acide et l'autre à caractère basique, est-ce que vous avez le droit de dire qu'il y a un risque d'interaction ? Non. Parce que l'une va se fixer. Eh bien, chacun a son propre site. L'une va se fixer sur l'albumine et l'autre va se fixer sur l'alpha glucoprotéine. On est bien d'accord. Maintenant, le risque est d'autant plus important que si vous avez deux médicaments à caractère acide, et donc l'affinité est élevée. C'est pas la même. Si je mets la même et vous cochez, on peut avoir deux médicaments à caractère acide qui ont chacune 40% de fixation. Il y a suffisamment de sites pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Même s'il y a une interaction, elle est faible. Mais si vous avez une affinité très forte, ou une à 75% et l'autre 85%, la 85% sera obligée de dépasser et partir. Et en la déplaçant, on a un risque de surcharge. Et ceux qui disent surcharge, vous allez déplacer, donc vous allez augmenter la pression libre. C'est ça, surcharge. Ne l'oubliez pas, et automatiquement, vous avez un risque d'épée. C'est pour ça qu'on va dire tout simplement, pour le moment, un échec. Maintenant, troisième volet. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que si vous avez deux médicaments à caractère basique, et vous avez deux médicaments, vous aurez à prescrire dans une ordonnance, et c'est ce qu'on va faire quand on terminera les interactions sous forme de TD. Bon, si vous avez deux médicaments à caractère acide, d'accord ? Et deux médicaments à caractère basique. Si vous devez faire attention à la prescription, c'est une association de deux médicaments acides ou de deux médicaments à caractère basique. Vous devez faire attention à quoi ? Vous devez faire attention à la prescription. Est-ce que vous avez votre ordonnance ? Sachant que ce sont deux médicaments à caractère acide. Non, ce sont deux médicaments à caractère. Je parle d'interaction, de risque. On évalue le risque. Est-ce que le risque est plus élevé ? Vous allez vous dire que, tiens, j'ai 60% de chance de tomber sur un problème. Si j'associe deux médicaments à caractère acide, ou là, si j'associe deux médicaments à caractère basique. Les deux. C'est votre avis. C'est l'alcala. Hein ? Alcala. Parce qu'il y a plusieurs albumines. Pardon ? On a une grande quantité d'albumine dans le sang, donc pas ça ici. C'est-à-dire que vous avez... Mais moi, je peux vous répondre autrement. Les médicaments à caractère basique. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Ah, oui, on n'a pas qu'un site. Vous avez dit protéines. C'est vrai qu'il y a une histoire de nombre. Oui. Mais il peut y avoir problème avec ces médicaments que lorsque, si vous avez un terrain sous-jacent. Si vous avez un taux de protéines qui peut être bas, pour une raison ou là pour une autre. Là, le nombre de sièges va diminuer et le risque, même si le pourcentage d'affinité est faible, même si l'affinité est faible pour les deux, si vous n'avez pas suffisamment de protéines, eh bien, vous aurez une surcharge. Automatiquement, une surcharge. Mais si vous devez faire plus attention, eh bien, vous devez faire beaucoup plus attention. Comme vous aurez associé des médicaments à caractère acide. Parce qu'il n'y a qu'un seul. C'est-à-dire qu'il y a une compétition de pour une protéine. On se fixe tous les deux là. L'autre, je peux aller là. Si c'est saturé, je peux aller là. Là, ici et là-bas. Il y a cette possibilité qui réduit le risque. Je n'ai en aucun moment, je dis. Téléphone rose. Je ne sais pas où est. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que le risque zéro existe. Il y a toujours un risque. Mais ce risque, aussi peu soit-il, peut, j'ai dit que quand on a des médicaments, cliniquement, on peut ne pas avoir des effets perceptibles chez le sujet, mais on peut le voir pourtant. Parce que si personne vous avait donné une dose, même ordonnance, mais Mais il ne va pas répondre sur le plan thérapeutique. Il répondra beaucoup plus sur le deuxième. On est bien d'accord. Maintenant, ça c'est la distribution. La stratégie. Est-ce qu'on peut avoir une interaction concernant la distribution tissulaire? Et si elle existe, pour vous, par quel mécanisme? La question, posez-vous toujours la même question. Comment une molécule B peut-elle modifier, on avait dit, la distribution plasmatique de la molécule A? En faisant quoi? En la déplaçant. Elle a plus d'affinité, elle va la déplacer. Maintenant, au stade de la distribution tissulaire, le médicament A était distribué ici. Si la molécule était seule, elle est distribuée normalement. Il y a l'état d'équilibre entre le compartiment plasmatique et le compartiment tissulaire. On est bien d'accord? Maintenant, si on associe la molécule B, elle peut modifier, elle soit augmentée, soit diminuée. Comment? Refait marche arrière, s'il vous plaît. La distribution tissulaire est régie par quoi? La lipoprotéine. Eh bien, lipodébit, un des mots clés. Est-ce qu'on peut changer la lipo? Non. Je vous ai dit aujourd'hui, la lipo, on la changera. Si. C'est au stade métabolique qu'on peut changer. On en a parlé dans l'absorption, vous avez dit lipo, au stade d'absorption, aucune molécule, quelle que soit cette molécule, ne peut changer ce caractère. C'est sauf lors du premier passage, ou lors des passages hépatiques. Donc, la liposolubilité en écart, qu'est-ce qu'on peut changer? Le débit. En faisant quoi? En changeant quoi? Le médicament B va faire quoi? Très bien, parce que les systèmes hémodynamiques sont les vasodilatations, sont les vasodilatations. Et de ce fait, on change le débit de perfusion. La logique. S'il y a une vasoconstriction, donc le débit de l'organe va diminuer. Et de ce fait, la quantité de médicaments qui arrivent diminue. S'il y a une vasodilatation, le débit est plus important. Et donc, la quantité de médicaments qui arrivent serait plus importante. Et la biodisponibilité dans cet organe, pas dans le bon sens, on va dire que la quantité au niveau de l'organe va être augmentée. On est bien d'accord? C'est clair? On peut noter? Bonsoir. Donc, j'ai dit interaction, en titre, intéressant que j'ai dit tout ça, interaction signifie ça. Vous avez dit A, premièrement, au stade d'absorption, deuxièmement, au stade de la distribution. Bon. Au stade de la distribution. Au stade de la distribution. Au niveau plasmatique. Au niveau plasmatique. Par compétition. Vis-à-vis des protéines de transport. Par compétition vis-à-vis des protéines de transport. Le risque est d'autant plus probable, je vous laisse terminer la phrase, que des molécules à caractère acide. Le risque est d'autant plus probable que les molécules sont à caractère acide, et donc vous n'allez pas terminer votre phrase. Et à forte affinité. Le risque est d'autant plus probable que les molécules sont à caractère acide et à forte affinité. On peut modifier également quoi? Le débit de perfusion. On peut également modifier le débit de perfusion par vasodilatation ou vasoconstriction. Pardon, non, merci. Merci. Votre camarade, votre camarade pose la question. Je m'excuse par parler du temps que je suis clair, du bateau. C'est clair pour moi, peut-être n'est pas pour vous. J'ai répondu à cette question. Votre camarade dit, et s'ils avaient une faible affinité? Est-ce qu'il y a une interaction? Non, je comprends pas. On va se mettre dans une logique. D'accord? Un A, normalement, vous êtes censé être section A ou section B. Laquelle section est section A et ou B? Donc, s'il y avait le nombre, supposons que dans les sections, il n'y avait que 40 étudiants. Il y aurait assez de sièges pour prendre des étudiants. Il y a beaucoup de sièges. Maintenant, si le nombre est important et que les sièges soient limités, le nombre n'est pas limité, donc on est obligé de laisser les étudiants dehors. Si le malhabilité est faible, il n'y a pas de compétition. Il y a suffisamment. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand les médicaments qui ont une faible affinité ont une fraction libre qui est augmentée. Le problème ne se pose pas avec ces types de molécules. Si, on va peut-être faire un... Vous avez une molécule A qui est à 85% de fixation, d'accord? Vous avez uniquement 25 unités qui sont libres. Je prends une molécule inverse. J'ai 25% qui sont liées. Là, j'ai 85 unités qui sont libres. Si j'ai une molécule B, qui va me déplacer, je dirais, 20%, on va dire le quart, le cinquième, le quart de cette partie. Le 80 divisé par 4, on va dire qu'on va déplacer 20. D'accord? De 20. 80, si vous les rajoutez à ça, vous êtes passé de 25 à 45. Comme si vous avez doublé la dose. Pour avoir 47 unités en forme libre, il ne faut pas donner 80, faut pas donner par exemple 100 unités ou 80 unités, 100 unités par mois, et bien il faut donner 200 unités pour avoir cette quantité. Mais quand il s'agit d'une molécule qui est faiblement libre, j'étais à 85 libres, je déplace le quart, ça va être, je vais exagérer, 5. 7. Si je rajoute à 85, je rajoute 5. Passer à 90. Le risque n'est pas, il est perceptible dans quel cas? Non, ben non. C'est pour les molécules à forte affinité. Parce que les autres, ce qu'on va rajouter, on a rajouté comme si on avait rajouté des petites miettes. On avait 85, d'accord? Donc là, vous avez rajouté 5 unités. Ces 5 unités, sur le plan d'activité au niveau des récepteurs, serait minime. Et même si cette quantité va se fixer sur les récepteurs secondaires, eh ben, elle serait insuffisante pour déclencher un effet secondaire vraiment important. Par rapport à quoi? Parce que tout est relatif. Par rapport à ce que vous avez doublé. Pourtant, on avait dit, on déplace la même quantité, le quart. Mais déplacer le quart de 85 et déplacer le quart de 25, c'est pas la même chose. Donc le fait d'avoir deux molécules qui ont une faible affinité, le risque est minime. Pourquoi? Parce que déjà la majorité est sous forme libre. Alors que l'autre, la majorité est liée. C'est-à-dire que la quantité, la fraction libre est minime. Et seule la fraction libre est divisible et active. Et si pour une raison ou une autre, je double cette fraction libre, je vais doubler l'intensité de la réponse. De la réponse aussi bien primaire que secondaire. Vous êtes d'accord? Oui. Non. Je vous corrige, s'il vous plaît. J'ai dit, en aucun cas, dit qu'il n'existait pas. J'ai dit que le risque est minime. Le risque est là, mais il est minime par rapport à quoi? Par rapport aux molécules à caractère acide. Pourquoi? Pour les molécules à caractère acide, un agent fixe à l'ANA, on n'y en a personne. D'accord? Pour les molécules à caractère basique, vous avez la particularité, c'est aussi bien sûr des lipoprotéines que sous les alpha, hein, lipoprotéines. C'est-à-dire que vous avez, vous pouvez prendre un taxi normal, vous pouvez prendre un taxi normal et les épaules. Il a cette possibilité. L'autre, c'est de passer assez le taxi ou pas. Et là, le risque devient, parce qu'il y a une compétition que vous avez. Vous avez des gens, on ne peut pas dire que quelqu'un a le choix. Pour quelqu'un a le choix, on peut dire qu'il y a compétition. D'accord. Mais quand vous n'avez pas le choix, d'accord, il y a une compétition. On va faire une compétition. Donc, vous êtes de JB10, JB12 avec une autre éliminatoire, parce que c'est permis. Il n'y a que la bulle. Si pour une raison ou une autre, il y a deux molécules qui ont une forte acidité, ou il y a un problème de quantité d'albumine, le risque est plus important que pour. On les a, d'accord? Ça, c'est la distribution. On passe donc au stade d'élimination. D'accord? Si vous avez compris le raisonnement, je vous demande de raisonner avec moi. Okay. Comment un médicament peut se rentrer dans la réaction? Rappelez-vous que c'est la liste d'élimination. L'élimination, il y a trois mécanismes. Et il y a quoi? Il y a la filtration. Il y a la sécrétion. Et la sécrétion est un mécanisme actif. Il y a la réabsorption. Non. Ce n'est pas un phénomène d'élimination. Mais il peut y avoir une. Il peut y avoir une interaction. On peut modifier la vitesse de réabsorption. On peut modifier la vitesse de réabsorption, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle est augmentée ou elle est diminuée. Maintenant, on parle d'interaction. Il y a trois mécanismes. Est-ce qu'on peut parler d'une interaction au stade de la filtration? Parce qu'un médicament B peut modifier. Non, non. Non. C'est juste. Et c'est juste. Votre camarade a dit. Je modifie le débit de filtration glomérulaire. On en a parlé maintenant. D'un organe. Par vasoconstriction ou vaso, à l'effet vasomoteur. On est bien d'accord sur ça? Vous êtes d'accord? Donc, le camarade dit je modifie le poids moléculaire. Est-ce que je peux modifier le poids moléculaire? Non. Pardon? Au niveau des urines. C'est pas au stade de la filtration. Au niveau de la réabsorption. Ça, c'est différent. Là, on parle de la filtration. Au niveau de la filtration, on ne peut avoir qu'un effet vaso-moteur. Parce qu'on revient à la distribution tissulaire. Qu'est-ce qui est concerné, ou la filtration est concernée par quoi? Non. L'hydrophobie. Non. La forme libre. Et si je dis que j'ai augmenté, parce que seule la forme libre est filtrée. Non, là, elle est filtrée. D'accord? Elle est filtrée. Est-ce qu'il peut y avoir une interaction à ce stade-là? Non. S'il y a une interaction, elle se situe à quel niveau? Merci, à la distribution. Les conséquences d'une augmentation de la filtration, ou l'augmentation de la filtration de la forme libre, est la conséquence d'une interaction au stade de la distribution, parce qu'il y a eu un déplacement. C'est une conséquence. S'il n'y avait pas d'interaction, la filtration se crée de façon normale. Mais si on a augmenté la fraction libre, d'accord, augmentation de la filtration, mais à condition que on a l'interaction de la distribution augmente la fraction libre, qui pourrait, je dis bien, qui pourrait être filtrée. Mais il y a une autre condition qui bloque. Très bien, il faudrait que la molécule soit hydrophobe. Parce que si vous augmentez la fraction libre d'une molécule d'hydrophobie, vous n'augmentez en aucun cas la va se distribuer ailleurs, mais c'est pas. Parce que pour être filtré, on avait d'accord. C'est des notions qu'on a déjà dit, on les replace. Maintenant, au stade de la réabsorption. Pour qu'une molécule soit réabsorbée, on avait dit quel est le mécanisme, c'est une diffusion qui est passive. Une diffusion passive qui est conditionnée par quoi? Il n'y a pas de transporteur. Il faudrait que la molécule soit liposoluble. Qu'elle ait un peu un caractère liposoluble et qu'elle soit sous forme non. Un médicament B ne peut en aucun cas modifier la liposolubilité. Donc, vous n'y avez pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut. La molécule B va modifier quoi? Le pH. Le pH. Et si elle modifie le pH, elle va modifier l'hydrolyse. Si la molécule B augmente la fraction dissociée, donc la vitesse de réabsorption va diminuer. La vitesse de réabsorption va diminuer et de ce fait la vitesse d'élimination. Comment? Si la molécule B va favoriser la forme non ionisée, par exemple, en pH, donc on va favoriser la forme non, non ionisée et donc la réabsorption sera concentrée et la réabsorption sera diminuée. Et quand on réabsorbe, on risque de provoquer une surcharge. On est bien d'accord? Oui. Au niveau de la sécrétion est un mécanisme actif. Donc, qui dit mécanisme actif, dit transporteur. Donc, c'est une interaction vis-à-vis des transporteurs qui est conditionné par la fibrée. Si vous avez deux molécules qui sont sécrétées activement, c'est-à-dire plus d'affinité sera sécrétée et de ce fait, probablement éliminé par rapport à une molécule qui a un faible. Vous allez voir que parfois, je le laisserai en PD. Vous expliquer avec des exemples que parfois on utilise, on exploite ces conséquences, on exploite ces associations. Pourquoi? Eh bien, pour favoriser, parce que je demanderai de mettre un adjectif à travers ces interactions pour dire est-ce que c'est en améliorant un index thérapeutique. Et si vous l'améliorez, vous l'avez amélioré parce que vous avez fait une synergie, ou là, une potentialisation. Soit c'est un échec thérapeutique. Pourquoi l'échec thérapeutique? L'inhibition peut-être peut augmenter l'index thérapeutique. Je l'ai dit. L'inhibition n'est pas obligatoirement un échec thérapeutique. Et comme la synergie n'est pas obligatoirement une augmentation de l'index thérapeutique. Dans les deux cas, c'est vrai et c'est faux. Il faut faire attention. Allons-y. On est bien d'accord sur l'interaction au stade de l'élimination? Vous notez tout. Vous dites cette interaction peut-être localisée. Cette interaction peut-être localisée aux trois principaux stades. Aux trois principaux niveaux, aux trois principaux stades. Deux points. D'abord, premier la filtration. La filtration et l'interaction se fera par un effet vasomoteur. L'interaction peut se faire par un effet vasomoteur, c'est-à-dire soit on a un effet vasoconstricteur, donc une vasoconstriction glomérulaire va diminuer le débit de diffusion. On a vasodilatation, le débit. D'accord? Maintenant, deuxième effet, au niveau donc de la réabsorption. Au niveau de la réabsorption, c'est par quel mécanisme? Par modification du pH ou par modification de la forme ionisé par modification du pH ou par modification l'un ou l'autre, c'est vrai. Mais c'est, faites attention, c'est en modifiant le pH que vous modifiez la forme ionisée ou non ionisée. Donc par modification de la forme ionisée, vous la verrez dans l'impression par modification de la forme dissociée, ou là par modification du pH. Mais n'oubliez pas, c'est que si vous favorisez la forme, on a déjà vu, je ne vais pas répéter, si on a favorisé la forme dissociée, on diminue la réabsorption, et on augmente l'élimination. Alors si en imaginant un état brut guidé, vous avez un médicament, d'accord, un médicament qui est censé être réabsorbé quand il est seul, et que vous avez augmenté sa vitesse d'élimination, dans sa concentration plasmatique va diminuer. Et donc l'index est là. Maintenant, si ce médicament était censé être éliminé et que vous augmentez sa vitesse de réabsorption, donc on a une augmentation d'attraction du plasma et vous avez un risque d'accident de réabsorption. Mais parfois, je vous donne un autre exemple pour voir que souvent, pour éviter de donner de très fortes doses, je le donne aujourd'hui, comme exemple, c'est pas la table de l'OP, on va voir, on donne une association pour mieux éclairer. Dans certaines pathologies infectieuses, on donne une antibiothérapie, mais l'antibiothérapie a une limite. Et souvent, quand on choisit certains antibiotiques, ils ont un problème, c'est qu'ils sont rapidement éliminés, surtout la pénicilline. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, avec la pénicilline, on a trouvé une solution. On donne au malade le probénicine, qui est un anticoûteux. Il est de l'accord, la pathologie, c'est d'accord. Le malade n'a pas la goutte. Le malade n'a pas la goutte. Pourquoi je vais donner le probénicine? Il va tout simplement, merci, je vais résumer, il va diminuer l'élimination de la pénicilline. Il va tout simplement diminuer l'élimination. Au lieu que ce soit la pénine, parce que ça se passe au niveau des transporteurs, au lieu que la pénine soit sécrétée, et ça c'est le probénicine qui va être. Et à ce moment-là, c'est le probénicine qui sera sécrété au dépend de quoi? Au dépend de la pénicine. Pourquoi le probénicine a plus d'affinité? Donc la concentration de cet antibiotique va rester stable. On aura une bonne CRI et on aura une bonne réponse thérapeutique. Là, c'était un défi qu'on appelle. Très bien, merci beaucoup, c'est une porte. Voilà ce que ça m'appelle une co-pensialisation. Ce n'est pas une synergie. Le probénécite est rentré en tant que catalyseur. Puisqu'on ne l'a pas venu dans un but thérapeutique. Puisque j'ai dit que le malade n'a pas la goutte. Il a tout simplement, il est intervenu dans la cinétique de la pénicilline. Et on appelle un co-pensialisation. Non, pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, c'est un potentiel. Quand vous êtes un antagoniste, on fait tout ça. Il ne déplace pas. C'est l'affinité. Au lieu que la pénis soit sécrétée, c'est le probénicine. C'est ce que j'ai dit dans le troisième. J'ai dit filtration, j'ai dit réabsorption. Troisièmement, c'est la sécrétion. Dans la sécrétion, donc c'est une compétition vis-à-vis des transporteurs. Compétition vis-à-vis des. Au niveau de la sécrétion, c'est une compétition vis-à-vis des transporteurs. Et qui dit compétition vis-à-vis des transporteurs dit. Affinité. On est bien d'accord sur ça? Oui. On aborde à l'autre niveau. Absorption, distribution, élimination, et on est au stade du métabolisme. Au stade du métabolisme, comment une molécule B va-t-elle modifier la forme de vitesse de métabolisation d'une molécule A? en agissant sur des enzymes. En faisant quoi? Soit une induction ou une inhibition enzymatique. D'accord? Un inducteur, c'est quoi? Non. C'est une molécule qui fait quoi? Accélère. Et active. Accélère. Par quel mécanisme? Il augmente la vitesse de métabolisation en faisant quoi? Non, il ne peut pas augmenter l'affinité. L'affinité est pour l'enzyme. Il va ramener quoi? Plus d'enzyme, plus de substrat, tout simplement. Il va ramener tout ce qui est nécessaire à une dégradation. Et l'inhibiteur va faire quoi? Pardon? Ralentissement. Un inhibiteur enzymatique. Hein? Il diminue la vitesse, mais est-ce qu'il diminue la sécrétion d'enzymes? Non, il désactive. Il bloque carrément l'activité de l'enzyme. Il ne bloque pas la synthèse. Un inducteur enzymatique augmente la synthèse d'enzymes, favorise l'apport matriciel, d'accord? Mais un inhibiteur enzymatique ne ralentit la vitesse, d'accord? Pas en bloquant. Pas au blanc pour l'enzyme, c'est-à-dire au bloqueur. Il ralentit la vitesse, tout simplement, en inhibant leur activité. Il ralentit leur activité en diminuant leur opération. Mais il diminue pas leur synthèse. Les enzymes sont là, mais comme si les enzymes étaient en prison. Ils bloquent la libération des enzymes. Non. Les inhibiteurs enzymatiques ne se fixent pas sur une enzyme. Les inducteurs enzymatiques ne se fixent pas sur l'enzyme. Ils agissent soit sur les précurseurs de la synthèse d'enzyme, c'est-à-dire qu'on a plus d'autres enzymes, ou bien sur les facteurs, c'est tout ce qui matrice. Un inhibiteur enzymatique n'a aucune action, c'est pas l'inverse de l'inducteur. Tout simplement, il ralentit la vitesse, en faisant quoi? En libérant les enzymes goutte à goutte. Il est suivant de séquestration. D'accord? On regarde d'abord sur l'inducteur et l'inhibiteur. Oui. J'ai dit qu'un inducteur enzymatique, sur le plan du métabolisme, vous avez une molécule qui est dégradée à une certaine vitesse. L'association d'une molécule B va modifier quoi? Peut modifier ça, son grand B, sa vitesse. Soit en augmentant sa vitesse de dégradation, d'accord? Et l'augmentation de la vitesse de dégradation, et la conséquence, elle est due à quoi? C'est que vous avez ramené plus d'enzymes. Avant, il y avait une molécule pour une enzyme, je dis n'importe quoi. L'inducteur, vous avez une molécule et vous ramenez trois enzymes. D'accord? Sinon, certaines molécules agissent sur tout ce qui est indispensable à l'enzyme, c'est les précurseurs. Soit il y a des molécules qui agissent sur la libération d'enzymes. L'inhibiteur n'a pas d'effet contraire de ce que je cite. L'inhibiteur n'agit pas sur la synthèse, c'est-à-dire que lui ne ralentit pas la synthèse. Il ne bloque pas les précurseurs. Il n'agit pas sur l'apport matriciel. Tout simplement, il diminue leur libération. C'est grossi, je vais vous dire. Vous avez ça en tête. Vous êtes bien d'accord? Maintenant, sur le plan de conséquence. Vous allez me répondre en réfléchissant 2 minutes. Vous avez un médicament A qui était administré. Vous avez associé une molécule B qui est inductrice enzymatique. Et vous l'avez fait dans un objectif thérapeutique. Lequel? Là, c'est une bonne association. Donc, je cache la réponse, tout simplement. Pour vous, quel est cet intérêt? Ça dépend du médicament. Est-ce que c'est le médicament qui a fait ou bien le métabolisme? Mais donc, ce que vous dites n'est pas faux. C'est juste, mais répondez à la question. Si vous l'avez donné, c'est parce que... que l'activité thérapeutique est liée au métabolisme. C'est que l'activité, la réponse thérapeutique n'est due qu'au métabolisme. Donc, imaginez l'inverse. Vous avez une molécule A. Donc maintenant, je clarifie la chose. Maintenant, tout dépend de la nature du métabolisme formé, on avait dit. Si vous avez un médicament de molécule A qui est actif que par la forme mère, par la molécule mère, que par la molécule initiale, et que vous avez donné un inducteur par erreur, ou là, par le malade l'a fait par automédication. Qu'est-ce qui va se passer ? Diminution de la nature, c'est pas grave. Si je vais sur ça, je vous coche, je vous tue. Très bien, vous allez faire, vous allez aboutir à quoi ? Un échec. L'échec thérapeutique, la concentration de la forme libre à qui va diminuer. Parce que vous l'avez dégradé en donnant naissance à des métabolites inactifs. Voilà la surcharge. Allez. Le problème, notre problème et votre problème, c'est le problème de tous les bactériens, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. La gauche, c'est pas là-bas, dans aucun endroit. J'ai dit, ma question, que vous l'avez donné dans un but thérapeutique. Question thérapeutique, c'est-à-dire que la molécule a été administrée en cherchant, en disant que la posologie a été établie en tenant compte, d'accord, tenant compte que l'activité était liée à la molécule mère. Voilà. Maintenant, je n'ai pas dit. Donc, le métabolite formé est inactif, mais il est effets secondaires. Je sais que mais vous n'avez pas. Je n'ai pas vu. Vous avez répondu à votre question. Maintenant, vous avez donné. Je peux revenir à la question, à la réponse de votre camarade. J'ai donné mon inducteur en voie à une molécule, parce que l'activité thérapeutique est liée au métabolisme. D'accord ? Et la molécule A porte un nom. Non. Non. Merci beaucoup, c'est une prodrogue. C'est une prodrogue. La molécule mère est inactive. Je l'active de suite au métabolisme. Et la molécule B, qui est un inducteur, est appelée. Dans ce cas, j'ai fait quoi comme type de réponse, hein? Cette association est dite potentialisation. L'inducteur n'intervient pas dans la réponse. Il a tout simplement favorisé l'augmentation de la forme active. Et c'est ce qui s'appelle un potentialisation. Ce n'est pas une synergie. Je constate que certains se noient. En quelle étude? Est-ce que c'est clair? Si ça bloque, vous dites quelque chose qui ne va pas. Ça graisse. Je peux encore, je reviens, vous avez donné un inducteur. Et là, vous avez favorisé des métabolites qui sont réactifs. Là, vous répondez, il y a un risque d'échec en favorisant des effets. Mais là, pour les cas, je vous ai dit métabolite inactif. Comme on avait dit trois formes, soit vous avez des métabolites inactifs, la gauche n'est pas dotée d'activité. Soit des molécules aussi actives, c'est-à-dire qu'ils ont la même réponse thérapeutique, d'accord ? Soit c'est très réactif, et là on peut avoir des problèmes de bébé secondaire. On est d'accord avec vous ? La même chose, je peux donner le schéma inverse. J'ai un médicament A et j'ai donné un inhibiteur enzymatique. Très bien. éviter sa dégradation, Anton en ralentit sa vitesse de métabolisation et son compte de vie augmente. Et de ce fait, au lieu d'augmenter les posologies qui seraient responsables des faits, je ramène une molécule plus petite, j'ai la molécule, puisque l'activité est liée à cette molécule. Au lieu qu'elle dure 5 heures, elle va durer 10 à 15 heures. Et de ce fait, j'ai une meilleure réponse sans augmenter les posologies. Je donne un inhibiteur enzymatique. L'inverse également, parce que je sais que c'est un médicament. Pourquoi ? Voir parce que lorsqu'il se dégrade, il peut donner naissance à des métabolites inactifs. Il donne naissance à des métabolites inactifs. Donc je le garde, je garde ce que j'ai en inhibant sa dégradation. Par contre, si j'ai un médicament qui est actif, par ses métabolites. Si je donne un inhibiteur, si j'ai une prodrogue, au lieu de donner un inducteur, j'ai donné un inhibiteur enzymatique. Mais je peux avoir également un médicament. Je donne un inhibiteur, pas pour augmenter le temps de demi-vie, mais pour faire quoi ? La molécule est active. Mais si j'ai donné cet inhibiteur, ce n'est pas pour augmenter sa forme de demi. J'ai cherché un autre objectif. Très bien. J'ai diminué la formation du métabolite réactif. Et on appelle ça un inhibiteur partiel. Voilà ce que j'ai dit, un inhibiteur partiel. Parce qu'on ralentit la formation de métabolites toxiques réactifs qui peuvent nous donner une hépatotoxicité, une cardiotoxicité ou autre. Donc, le fait de ralentir le métabolisme, j'augmente son temps de vie, mais le plus important, pourquoi ? Je ralentis la formation du métabolisme réactif, comme en cause, et de ce fait, je diminue indirectement, j'ai un meilleur index thérapeutique en diminuant le risque d'apparition des effets. Parce que les effets secondaires ne sont pas dus à la molécule mère, mais à métabolisme. Généralement, quand vous êtes au métabolisme, quand il y a une interaction au métabolisme, je vous demande, s'il vous plaît, de faire cette jonction systématique. Et s'il y a une interaction, réfléchissez-y, s'il vous plaît, au métabolisme. Il y a un problème au métabolisme. Est-ce que posez-vous la question, ou dans la question, est-ce que le métabolisme est actif, inactif ou réactif pour savoir est-ce que c'est une bonne prescription ou une mauvaise prescription. On est d'accord ? Ça, du métabolisme. Donc, vous notez que deux conséquences sont observées. Soit une induction enzymatique, soit une induction enzymatique. Soit une induction enzymatique, qui est une augmentation de la vitesse de métabolisation, soit par augmentation de synthèse, soit par augmentation de la synthèse des enzymes, soit par augmentation des précurseurs de ces enzymes, soit par augmentation de la forme matrice, soit par augmentation de la forme des matrices à forme matrice. Je peux vous demander dans la page. Donc, soit par une augmentation de la synthèse enzymatique, soit par une augmentation des précurseurs des enzymes, soit par une augmentation des apports des matrices. Et quand on parle de matrice, on parle de la phase. D'accord ? Notez que j'ai dit qu'il y avait la conséquence de deux, soit une induction, soit une inhibition, qui est une diminution de la vitesse de métabolisation l'inhibition et diminution de la vitesse de métabolisation induction. C'est ça ? Il y a deux conséquences. Soit on a une induction, soit une inhibition. L'inhibition, c'est une diminution de la vitesse de métabolisation par diminution de leur libération. Par diminution de leur libération. Diminution, libération. C'est pas clair, on est en train de dire que dans notre tour, un tour. Vous dites que les conséquences d'une telle interaction dépendra de quoi ? Non, dépendra de la nature des métabolites formés. Dépendra de la nature des métabolites Un inducteur va pas se fixer sur l'enzyme. Ce n'est pas des bloqueurs. C'est des molécules qui vont ralentir ou augmenter l'activité. Non, le plan thérapeutique, ça n'existe pas. Je voulais vous dire que sur le plan de métabolisme, quand vous avez un inducteur enzymatique, n'oubliez pas que l'inducteur enzymatique va dégrader la molécule A, mais il peut s'auto-dégrader. Quand vous stimulez une activité enzymatique, l'enzyme est là, on a l'inducteur métabolique et aveugle. La molécule va venir pour casser ça et casser même celle qui l'a appelée. Mais tout dépend de l'affinité. Vous pouvez induire les enzymes, mais la molécule A ne répond pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'enzyme n'a pas une affinité. Je vous demande de retenir les graves lignes et on fera une discussion sur TV, avec les exemples pour mieux asseoir. De temps en temps, je vous donne des flashs, mais je voudrais d'abord que vous reteniez le fondement. On verra ce qui se passe. Je ne vais pas d'abord se poser plus dans la main des autres. Les autres TV. Oui. C'est bon ? Comment un inducteur agit sur la molécule. Chaque enzyme a un système. On ne peut pas rentrer dans le système d'enzyme. Chaque enzyme, c'est comme des modificateurs pour être libéré, pour qu'il y ait une action. Bon, les modifications sont libérées pour en sortir. Les inhibiteurs bloquent la libération au niveau des granules. L'enzyme ne sort pas. Pas d'enzyme, très peu d'enzyme, vitesse. Je dis, il y a pas d'enzyme, c'est faux. Deux d'enzyme. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas une inhibition totale. Il n'y a pas d'inhibiteur. Donc, il y a une diminution de la quantité d'enzyme. D'accord ? Pour répondre à votre camarade tout à l'heure, il n'y a pas. Vous allez voir quand on fera les médicaments du ciel à votre nom. Il y a des médicaments qui bloquent une enzyme, mais qui bloquent une enzyme physiologique. Qui dégrade une molécule endogène. Il y a ce qu'on appelle des inhibiteurs de polymérases. Parce que les polymérases, on les appelle les anticholinergérases. Dans cette pathologie. D'accord ? Donc, ou bien qui agissent sur la sérotonine, des enzymes qui dégradent les catécholamines. Il y a des MAO, les monoamines oxydates. Il y a des médicaments qui sont donnés en traitement de certaines dépressions, qu'on appelle les IMAO, les inhibiteurs. Mais j'ai beaucoup plus, pas sur des enzymes hépatiques, mais sur des enzymes de synthèse, fonctionnement physiologique. On est bien d'accord ? Voilà. Je vous remercie. Oui, il y a un astronome, Non.